Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les Électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les Électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des Électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. C'est le commentaire hebdomadaire de Tommy Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, au moment où on enregistre le podcast, les Jeux olympiques ou encore la cérémonie d'ouverture est en cours. Ça te dit quoi les Jeux olympiques? Moi, à part de suivre Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette parce que je les suis depuis fort longtemps, là. Le reste, ça me dit pas grand-chose. Ah, ben, ouais, je vais vous dire que depuis deux jours, je suis le curling, j'ai regardé le patinage hier. Je peux dire que je manquerai pas beaucoup de... J'ai du temps devant moi à la retraite, donc je vais regarder énormément d'émissions, même très tard. J'ai écouté le curling jusqu'à 1h30 cette nuit, Danny, là, donc... Oui, monsieur. Je pouvais que je regarde un peu, parce que je me dis, ces athlètes-là... Ce sont des athlètes qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Non, c'est vrai. C'est leur moment de gloire. Ils travaillent pendant des années pour vivre ce moment-là. C'est le rassemblement à travers le monde. Oui, on peut dire toutes sortes de choses. Là. On peut parler de doping, on peut parler des pays qui ont plus d'argent puis qui donnent de plus facilité à leurs athlètes. Mais ça demeure qu'un moment pour eux qui vont marquer leur histoire, marquer leur carrière. J'ai écouté Alex Harvey hier qui disait, écoute, j'ai préparé ça depuis des années. Je suis là. La Coupe du Monde, c'est important. Mais les Olympiques, c'est encore plus important. Puis d'ailleurs, Danny, quand quelqu'un a une médaille, ça devient... Au Canada, oui, mais aux États-Unis, puis dans certains pays du monde, ces gens-là deviennent des millionnaires. Des grandes vedettes qui deviennent des porte-parole. Donc, moi, personnellement, je regardais encore la cérémonie d'ouverture, puis ça se déroule actuellement où on fait l'entrevue. Ça m'impressionne toujours, puis je regarde ça, puis je me dis, enfin, leur moment de gloire. Moi, je suis heureux, peut-être, cette année, mais différent des autres, que le hockey ne soit pas là. Parce qu'on aurait tout mis sur le hockey, Danny. Et tout le monde aurait subi encore les grandes vedettes. Là, on laisse la place à Marianne Saint-Gelais, à Charles Hamelin, à Samuel Girard, à des athlètes que aux bosseurs. Puis hier soir, je regardais les boss, là, puis je regardais ma... Milbury. Michael Kingsbury. Qui est exceptionnel. Je regardais descendre. Je disais, ça se peut-tu, toi, être aussi habile que ça, puis aussi spectaculaire? Donc, moi, personnellement, là, ça m'attire et je vais être là. Hier soir, là, le Canadien jouait. Je regardais pas le Canadien, là. Je regardais les Jeux Olympiques hier. OK. Ben, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire. Parlant du Canadien, on va parler des Rangers, mais je vais arriver sur le Canadien. Tu as su hier la nouvelle que les Rangers ont écrit une lettre à leurs partisans comme de quoi qu'on allait une période de reconstruction. Ils passent à une autre étape. Puis ça fait longtemps que je dis qu'à Montréal, on aurait dû faire ça. Malheureusement, penses-tu que ça va sonner le gars à Alain Vigneault? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Parce que ils vont mentir avec Alain. Il est là depuis... il y a beaucoup de notoriété, ce gars-là. Il est là depuis des années. S'il ne coache pas là, il va coacher ailleurs à Lévignon, là, soyez sans inquiétude. Mais il y a Lindy Ruff qui est pas loin, là. Faut pas oublier. Lindy Ruff est son adjoint aussi, là. Oui, mais je veux dire, Lindy Ruff, il a gagné où, puis il a fait quoi, là? Ouais. Tu sais, à Buffalo, là, ça a coupé des bottes lancement pendant des années, là. Moi, je pense qu'Alévignon est là. Puis avec Glenn Setter, puis j'ai l'impression qu'il va demeurer là encore. Je te dis pas que est-ce que lui veut demeurer là, puis rebâtir une équipe, puis être dans les bons fonds pendant 2-3 ans. Ça, je suis pas sûr. S'il y a une opportunité de dire j'ai une équipe qui peut aller gagner la Coupe Stanley, puis être au sommet, peut-être. Mais si c'est entendu avec les Rangers, pour dire, puis oubliez pas que ils ne gagnent pas 500 000 par année. Là. Ils gagnent des millions de dollars par année à l'Invigneau, là, comme instructeur. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il va demeurer là. S'il part, moi, je pense qu'il y a une entente entre les deux. Puis lui, il sait qu'il va se trouver quelque chose ailleurs. Puis il veut peut-être avoir une autre équipe. Là, il y a Rick Nash qui va probablement partir, c'est sûr et certain. Ryan McDonough aussi. Est-ce qu'il y a un Lundqvist qui est vraiment un Rangers pourrait partir aussi? Ben, ça dépend de l'équipe, ça dépend de l'offre aussi. Oui, c'est sûr. Et lui, il dit, je veux rester ici, puis je suis prêt à relever ce défi-là, d'être le gardien pour une année ou deux pour préparer l'équipe, préparer la relève. Oui, mais s'il dit, écoutez, là, moi, je vais avoir la chance de gagner une Coupe Stanley et gagner dans la Ligue nationale, peut-être à ce moment-là, les Rangers vont accéder. Il doit être assez près de l'organisation. Mm. Ça a été Monsieur Rangers depuis de nombreuses années. On va accéder à ses demandes. Si lui, il veut être échangé, on va l'échanger. Si lui veut demeurer là-bas, moi, j'ai l'impression qu'on va le garder. Ouais. Et là, le Canadien. Moi, je pense que le fait que les Rangers ont pris cette décision-là, il risque, ça risque de faire baisser la valeur des joueurs. Hein. C'est toujours l'offre et la demande. Hein. Ça dépend de l'équipe d'année et le besoin. Oui. Hein. Tu dis, moi, je regarde les Blues de Saint-Louis qui cherchent un sixième attaquant. Il y a une chose que le Canadien, où est avantagé, puis là, tout le monde parle de Pacioretty. Pacioretty compte pour 4,5 millions de la masse salariale. Mm. C'est pas cher pour un joueur de cette qualité-là. Mm. Tu sais, il y a une équipe qui veut gagner, là, qui sont prêts, là. Et Pacioretty est quand même un marqueur de 40 buts par année, là. On peut dire n'importe quoi. Il y a eu une période difficile, puis le Canadien est difficile. Mais un marqueur, là, moi, j'ai joué au hockey, puis si je ne veux pas jouer de centre, je vais mettre la rondelle sur la palette. Là, je ne peux pas marquer de but. Là. Non. Un marqueur, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui va te mettre la rondelle sur la palette. Mm. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup chez le Canadien de Montréal. Donc, puis est-ce que le Canadien est prêt à faire ce que les Rangers vont faire? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Jeff Molson et l'organisation du Canadien est prêt à poser ce geste-là? Ben, Phil, moi, là, à New York, Phil, t'as beaucoup d'organisations. Moi, je trouve les Rangers très courageux, et puis ils ont l'argent, ils sont bien plus capables que le Canadien. Ils peuvent rebondir beaucoup plus vite. Oui, sincèrement, il n'y a aucun doute. C'est une des franchises les plus riches de toute la Ligue nationale. Les plus riches, puis un joueur va aller jouer à New York avant d'aller jouer à Montréal, un joueur autonome. Il n'y a aucun doute là-dessus, les impôts. Ouais. Puis, jouer à New York, là, c'est une vedette. Mais t'es pas une vedette comme à Montréal. À Montréal, là, t'es 12 mois par année suivi à la loupe par un journaliste qui te suit pas à pas, pis t'as pas le droit d'aller à l'épicerie, il y a encore une caméra qui se met qui te filme. Ouais. Tu t'en vas jouer au golf, il y a encore une caméra qui te filme. À New York, les joueurs de hockey, là, tu sais, c'est pas les Yankees, pis c'est pas les Giants, pis c'est pas les Jets, là. Non. T'es loin d'être là, là. Mais en même temps, Phil, ils sont courageux pareil, parce que les Rangers jouent dans un très gros marché. Le dollar loisir, il y a du monde, mais le dollar loisir est là. L'offre est là. T'as les Islanders, t'as les Devils également. Je suis d'accord avec Danny, moi je suis convaincu, là, même si les Rangers vont avoir un bas de classement, ils vont jouer à guichet fermé pareil. Oh, ouais, ils vont jouer à guichet fermé. Les propriétaires, ils ne se tracassent pas avec ça. Là. Mm. À Montréal, c'est moins vrai. Il va y avoir du monde quand même au Centre Bell. Là. On ne baissera pas à 12-13 000 spectateurs, c'est pas vrai, là. Ouais. Mais le sport du hockey à Montréal, c'est notre sport national. Ben oui, puis rien que ça aussi. Le sport national, c'est pas nécessairement les Rangers de New York. Donc, je pense que l'évaluation de l'équipe par les médias, les Rangers passent troisième ou quatrième. À Montréal, là, c'est the first one, le Canadien. Là. Ils vont être dans le bas du classement, puis ça va être encore le numéro un. Ben oui. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est sûr que ça va donner suite à ça. Hey, Phil, en terminant, il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse des choses. Ben ouais, c'est sûr. Phil, en terminant, je n'ai parlé avec Marc Fortier cette semaine, puis je veux avoir ton opinion là-dessus. Tu sais que tu suis le baseball comme moi. Tu sais qu'actuellement, le camp d'entraînement, on est quoi, le 9? Lundi, les joueurs vont se rapporter, les lanceurs et les receveurs vont se présenter au camp d'entraînement. Il y a 120 joueurs autonomes encore de disponibles. Et dont de très gros joueurs encore. Là. La tendance, moi je parlais avec Alain Huzureau cette semaine d'RDS, puis il me disait que la nouvelle tendance dans le baseball, c'était que les directeurs généraux ne sont plus intéressés de signer des 5, 7, 8 ans. Penses-tu, et il me disait que ça va s'en venir dans le hockey aussi. Penses-tu que. Ça va changer parce que Danny, il y a une chose également. Ouais. C'est que les jeunes athlètes, les jeunes joueurs, avec les plafonds salariales, au hockey. Avec le plafond salarial, tu peux plus te permettre maintenant de garder un vétéran à 6 et 7 millions. Mais chez Weber, ça va coûter cher tantôt, là. Ah, il va coûter cher tantôt quand tu sais qu'il va être presque en fin de carrière. C'est la même chose pour Price. Ouais. Donc, c'est un peu ça le problème que vivent les directeurs gérants. Avoir un vétéran qui est en fin de carrière. Là, les Rangers posent ce geste-là. Pourquoi? Parce que McDonough est plus en fin de carrière. Ouais. Les meilleurs jours sont passés. Là, il commence à coûter plusieurs millions. Même chose pour Lundqvist, puis même chose pour Rick Nash. Les gars coûtent 7, puis 8, puis 2 millions. Ils sont en fin de carrière, alors que tu as des jeunes comme Matthew, tu as des jeunes joueurs un peu partout qui performent à des 1 million, 1 million et demi, 2 millions. Pourquoi tu t'as qu'il y a tant de joueurs de 18, 19 et 20 ans dans la Ligue nationale actuellement? Ouais. Parce que ces gars-là coûtent le salaire minimum à 750 000. Alors ouais. qu'un vétéran, il ne performe même pas à ce niveau-là, gagne 4, 5, 6 et 7 millions. Le problème des Canadiens, exemple, Plekanec, qui rend un service aux Canadiens, qui est quand même un pas mauvais joueur, à 6 millions, jouer 3e centre, une équipe ne peut plus se permettre ça maintenant. Ouais. Donc, ils n'auront plus les vétérans pendant 6 ou 7 ans. Et Alain Giroux, qui est vraiment quelqu'un qui est très analytique, il me disait, il dit, les directs, et c'est vrai ce qu'il disait. Regarde dans le sport, il parlait du baseball, mais ça venait dans le hockey. De moins en moins, tu n'auras plus de directeur général d'anciens joueurs. Ça va être tous des joueurs qui. Des directeurs généraux à la Julien Brisebois, des administrateurs avant tout. Aujourd'hui, c'est une game de budget. Ouais. La preuve de ça, c'est que un gars comme Brisebois s'est spécialisé sur le plan monétaire. Il ouais. est l'adjoint de Steve Yzerman. Lui, là, il dénote quand est-ce qu'il peut. Oui, tu peux te prendre ça sur la masse salariale. Non, tu ne peux pas signer ce gars-là. Oui, tu peux signer ça, mais dans 2 ans, il faut que tu penses à ça. Puis dans 3 ans, le baseball, un peu moins parce qu'il y a moins de plafond salarial. Mais au hockey, Marc Bergevin, c'est pas lui qui décide la masse salariale d'équipe. Là. Il y a un comptable derrière qui dit, Marc, là, tu as signé lui pour 4 ans, tu as signé pour 3 ans. Dans 3 ans, là, tu vas avoir un qui est 5 millions. Ouais. Ben, dans 3 ans, là, il va falloir que tu re-signes Charles Hudon, qui, à ce moment-là, va valoir 5 millions. Tu sais, c'est toutes ces choses-là que les directeurs gérants doivent évaluer. Donc, ça prend des spécialistes qui les suivent, qui leur disent le chemin. En terminant, Phil, ton papier a encore fait parler cette semaine. Tu n'as-tu entendu parler pas mal? Énormément. Mais je vais réécrire mardi. Ah, faut que tu fasses ça toutes les semaines, Phil. T'as pas le choix d'aller jusqu'à la décision, là. Ce qui m'inquiète le plus, j'étais très optimiste, soit pour une rénovation ou bien un nouveau centre Vézina. Les dernières déclarations du premier ministre me font énormément, me laissent probablement énormément songeur. Sur quoi? Il a dit, écoutez, je peux en faire un enjeu électoral. Oh, monsieur Kéwa. Okay, la dernière chose que je voulais entendre du premier ministre. Okay. Je voulais un engagement ferme. Une promesse électorale en élection, là. Ça demeure une promesse. Puis tu sais qu'au moment où on se parle, la CAQ est en tête. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas de même. Les libéraux ne sont pas premiers. Ils sont deuxièmes. Ouais. Puis Chicoutimi est un comté péquiste. Ouais. Donc, on risquerait d'être troisième. Si on est troisième, là, comme comté, là, on est loin des subventions, mon ami. Non. Allez, en terminant, Phil, tu es un amateur de curling. Alma qui veut déposer sa candidature pour le tournoi des cœurs, c'est correct, ça? Moi, je doute qu'Alma ait les installations requises. Même pas au centre sportif? Ça prend un amphithéâtre d'au moins 4 à 5 000 sièges. OK. Minimum. OK. Pour que l'organisation n'est pas capable, puis faire les glaces, ça, c'est pas un problème. Ça prend une organisation, ça prend un endroit où il y aura au moins 4 à 5 000 spectateurs. Okay. Et je te jure que dans la région, là, à part le centre Vézina, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut tenir un tel événement. Mais Brian, je ne me rappelle pas, j'étais jeune. Ça avait été un succès? Oui, à Chicoutimi. OK, oui. Oui, ça a connu un bon succès. Okay. Et encore là, le curling n'avait pas la popularité qu'il a actuellement. OK. Quand au Canada, on décide de tenir un tel événement, on tient ça dans l'Ouest. Ben ouais. Chez les hommes, on remplit des amphithéâtres de 10-12 000 personnes. Là. Ouais. Il y a eu lieu à Montréal il y a quelques années. Ça attirait 3 500, 4 000 personnes. Là. Ouais. Mais dans l'Ouest, là, c'est 8 puis 10 000 personnes par an. Le côté féminin attire un peu moins. Ouais. Chez les hommes, là, on remplit des amphithéâtres de 10, 12, 13, 14 000. C'est une religion dans l'Ouest canadien. Là. Par contre, Phil, Alain Giroux me disait qu'on veut, mais on veut changer un peu la mentalité de ce moment-là. On veut aller dans des endroits où ça va être facile, où que ça va être la grosse affaire. Mais ça, là, c'est l'association canadienne. Si elle a décidé ça, peut-être. Mais je vais te donner un exemple, le championnat du monde de hockey junior. Moi, tu penses qu'il est toujours presque en Amérique? Parce que c'est... Ben oui. Moi, je suis allé il y a 4 ans ou 5 ans en Suède, au championnat du monde. Il y avait 4000 personnes dans les estrades, il y avait 3000 Canadiens. Et donc, les Canadiens, nous, à Buffalo cette année, il n'y a pas eu de monde tant que ça. Mais les billets étaient très chers, par contre. Parce qu'il y avait, il y avait 8000 puis 9000 de moyenne, alors qu'à Buffalo, s'il n'y avait pas eu les Canadiens là, il y aurait eu 1000 puis 2000 personnes. Là. Donc, ça dépend toujours de l'organisation, si oui ou non, ils veulent faire de l'argent. C'est un peu ça, là. Donc, moi, je sais que le championnat du monde, là, ça rapporte des millions et des millions à Hockey Canada et au hockey international, alors que si on veut juste un championnat puis juste un plaisir au monde, on peut promener ça à travers le monde, mais tu n'attireras jamais des foules comme au Canada avec le hockey. Phil, on se reparle vendredi prochain. C'est comme à table de manœuvre, Phil.